pas de mec, quand reviendras-tu m'apporter des feuilles, m'apporter des feuilles. Joli mois de mec, quand reviendras-tu m'apporter des feuilles pour me torcher le cul.